tokomi na parcours du combattant saka do na mokongo rangers na moto alors oya kokoka ke atikali Estelle Dambenze pesa Marie Bambo meme de merke Dieu voilà Gisèle Angua Bolo Gaston Arnon Gangazami Dani Ondong, Paul De Vachel, bienvenue tout à fait, Chanteur de Charme. Vachel, la famille Kodjo. Tonton Sila les beaux garçons, la tolérance. Il n'est un combo. Boy, me mette na kwea kokufa e. Yando salimo kote mwaya mbapa sina mako tia eme. Soki boy nga na kokufa e. Olala gile boy, olala gile. Soki boy nga na kokufa. My long mo pila jet pedal. Cardinal Freddy Laguna. A changé mon souci, et je fais si mon congo. A changé mon souci. Bandoukou ya pendi moumoua, papa, maman. Alobana matye sete, senga ba kope sa yo e. Toyo kanaka boyete, na boli ngoyo, mwana mama ye. De tcheke base. Sachez la grand mécano. Aimé Boumani, Mbo, Sada, Misen, Mbo. La banga dama, bana, katanga, balingo, na yana, bana, bana, bogo. Pesanga, balingo, mikolo, miko, leka. Na goma, loko, la motu, apela, sila. Banana, banana. Et Anissé, le cameraman, Master Pedro. Papa, papa, na zapata. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Maman Louise en ami Kaloudé, Reine Flairville, Harry et Dima. Monte que la touche. Yaya, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, To Fredin Pont Armand. Ah, ma kamwa ki toko na maison mère. Invité na mama, patri de sare le gawa. Na koma na mama kulunda ba. Barre tu va pour le matin. Grâce de la gier, plus cold. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Na kote loji meso me Fredi Mashu sa vi mama na bodi ami senga mama patu de sare le kiawa na koma na wapa mikalu batu ningaye na tiko pire so pire so pire so mama okiba mama mama na bienvenu kota fan ula musefo hey ya biso ya ngote meso me à qui la sagesse a donné raison à tous les Congolais et à tous les Brazzavillois. Le fils est ma chacune. Tous les machins amis, quand le gâte la matou et ma maison mère, il mort à l'album mon abîme. La verre petit frère et un mec à lui. Modeste Emar Eda, Petit Frel, Adam Machuda.